Chapitre 12e. Le lendemain samedi, 30 mars, le temps était beau. Brise faible, mer calme. Les feux, activement poussés, avaient fait monter la pression. L'hélice donnait 36 tours à la minute. La vitesse du Great Eastern dépassait alors 12 nœuds. Le vent avait allé le sud. Le second fit établir les deux misaines goélettes et la misaine d'artimon. Le steamship, mieux appuyé, n'éprouvait plus aucun roulis. Par ce beau ciel tout ensoleillé, les roufles s'animèrent. Les dames parurent en toilette fraîche. Les unes se promenaient, les autres s'assirent. J'allais dire sur les pelouses, à l'ombre des arbres. Les enfants reprirent leur jeu interrompu depuis 2 jours, et de fringants attelages de bébés circulèrent au grand galop. Avec quelques troupiers en uniforme, les mains dans les poches et le nez au vent, on se serait cru sur une promenade française. À midi moins un quart, le capitaine Anderson et 2 officiers montèrent sur les passerelles. Le temps étant très favorable aux observations, ils venaient prendre la hauteur du soleil. Chacun d'eux tenait à la main un sextant à lunettes et de temps en temps, ils visaient l'horizon du sud, vers lequel les miroirs inclinés de leur instrument devaient ramener l'astre du jour. « Midi !» dit bientôt le capitaine. Aussitôt, un timonier piqua l'heure à la cloche de la passerelle et toutes les montres du bord se réglèrent sur ce soleil dont le passage au méridien venait d'être relevé. Une demi-heure après, on affichait l'observation suivante, latitude 51° 10' nord, longitude 24° 13' ouest, course 227 miles, distance 550. Nous avions donc fait 227 000 milles depuis la veille à midi. Il était en ce moment 1h49 à Greenwich et le Great Eastern se trouvait à 550 milles de Fastnet. Je ne vis pas Fabian de toute cette journée. Plusieurs fois, inquiet de son absence, je m'approchai de sa cabine et je m'assurai qu'il ne l'avait pas quittée. Cette foule qui encombrait le pont devait lui déplaire. Évidemment, il fuyait ce tumulte et recherchait l'isolement. Mais je rencontrai le capitaine Corsican et pendant 1 heure, nous nous promenâmes sur les dunettes. Il fut souvent question de Fabian. Je ne pus m'empêcher de raconter au capitaine ce qui s'était passé la veille entre le capitaine McElwain et moi. « Oui, » me répondit Corsican, avec une émotion qu'il ne cherchait point à déguiser. Voilà 2 ans, Fabian avait le droit de se croire le plus heureux des hommes, et maintenant il en est le plus malheureux. Archibald Corsican m'apprit, en quelques mots, que Fabian avait connu à Bombay une jeune fille charmante, Miss Hodges. Il l'aimait, il en était aimé. Rien ne semblait s'opposer à ce qu'un mariage unit Miss Hodges et le capitaine McElwain quand la jeune fille du consentement de son père fut recherchée par le fils d'un négociant de Calcutta. C'était une affaire, oui, une affaire, arrêtée de longue date. Hodges, homme positif, dur, peu accessible aux sentiments, se trouvait alors dans une situation délicate vis-à-vis de son correspondant de Calcutta. Ce mariage pouvait arranger bien les choses, et il sacrifia le bonheur de sa fille aux intérêts de sa fortune. La pauvre enfant ne put résister. On mit sa main dans la main d'un homme qu'elle n'aimait pas, qu'elle ne pouvait pas aimer, et qui vraisemblablement ne l'aimait pas lui-même. Pure affaire, mauvaise affaire et déplorable action. Le mari emmena sa femme le lendemain du mariage, et depuis lors Fabian, fou de douleur, malade à en mourir, n'avait jamais revu celle qu'il aimait toujours. Ce récit achevé, je compris qu'en effet le mal dont souffrait Fabian était grave. « Comment se nommait cette jeune fille ? » demandai-je au capitaine Archibald. Helen Hodges, me répondit-il. Helen. Ce nom m'expliquait les lettres que Fabian avait cru voir hier dans le sillage du navire. « Et comment s'appelle le mari de cette pauvre femme ? » dis-je au capitaine. « Harry Drake. »« Drake ? » m'écriai-je. « Mais cet homme est à bord. »« Lui, ici ?» répéta Corsican, m'arrêtant de la main et me regardant en face. « Oui, » répétai-je, « à bord. » « Fasse le ciel, » dit gravement le capitaine, « que Fabian, lui, ne se rencontre pas. » Heureusement, ils ne se connaissent ni l'un ni l'autre, ou du moins, Fabian ne connaît pas Harry Drake. Mais ce nom prononcé devant lui suffirait à provoquer une explosion. Je racontai alors au capitaine Corsican ce que je savais sur le compte de Harry Drake, c'est-à-dire ce que m'en avait appris le docteur Dean Pitferge. Je lui dépeignis tel qu'il était cet aventurier insolent et tapageur, déjà ruiné par le jeu et les débauches, et prêt à tout faire pour ressaisir la fortune. En ce moment, Harry Drake passa près de nous. Je le montrai au capitaine. Les yeux de Corsican s'animèrent soudain. Il eut un geste de colère que j'arrêtai. « Oui, me dit-il, c'est bien là une physionomie de coquin. Mais où va-t-il ? En Amérique, dit-on, pour demander au hasard ce qu'il ne veut pas demander au travail. Pauvre Ellen, murmura le capitaine, où est-elle en ce moment ? Peut-être ce misérable l'a-t-il abandonné ? Pourquoi ne serait-elle pas à bord ? Dit Corsican en me regardant. Cette idée traversa mon esprit pour la première fois, mais je la repoussai. Non, elle n'était pas, ne pouvait pas être à bord. Elle n'eût pas échappé au regard inquisiteur du docteur Pitferge. Non, elle n'accompagnait pas Drake pendant cette traversée. Puissiez-vous dire vrai, monsieur, me répondit le capitaine Corsican, car la vue de cette pauvre victime, réduite à tant de misère, porterait un coup terrible à Fabian. Je ne sais ce qui arriverait. Fabian et Tom a tué Drake comme un chien. En tout cas, puisque vous êtes l'ami de Fabian comme je le suis moi-même, je vous demanderai une preuve de cette amitié. Ne le perdons jamais de vue, et le cas échéant, que l'un de nous soit toujours prêt à se jeter entre son rival et lui. Vous le comprenez, une rencontre par les armes ne peut avoir lieu entre ces deux hommes. Ici, hélas, ni même ailleurs, une femme ne peut épouser le meurtrier de son mari, si indigne qu'était ce mari. Je compris le raisonnement du capitaine Corsican. Fabian ne pouvait pas être son propre justicier. C'était prévoir de bien loin les événements à venir. Et cependant, ce peut-être, ce contingent des choses humaines, pourquoi n'en pas tenir compte ? Mais un pressentiment m'agitait. Serait-il possible que dans cette existence commune du bord, dans ce coudoiement de chaque jour, la personnalité bruyante de Drake échappa à Fabian ? Un incident, un détail, un nom prononcé, un rien ? Ne les mettrait-il pas fatalement, l'un en présence de l'autre ? Ah, que j'aurais voulu hâter la marche de ce steamship qui les portait tous deux. Avant de quitter le capitaine Corsican, je lui promis de veiller sur notre ami et d'observer Drake, qu'il s'engagea de son côté à ne pas perdre de vue. Puis il me serra la main et nous nous séparâmes. Vers le soir, le vent du sud-ouest condensa quelques brumes sur l'océan. L'obscurité était grande. Les salons brillamment éclairés contrastaient avec ces ténèbres profondes. On entendait les valses et les romances retentir tour à tour. Des applaudissements frénétiques les accueillaient invariablement et les hurrahs eux-mêmes ne manquèrent pas quand ce farceur de thé s'étant mis au piano et siffla des chansons avec l'aplomb d'un cabotin.